machine. L'État veut que j'aille faire mes valises. Pourquoi? Ça sent la crise, je dois faire du rallye. L'agent. Et je mettrai de l'or sur mon pénis. L'agent. Et je changerai de femme comme de chemise. L'État veut que j'aille faire mes valises. Pourquoi? Ça sent la crise, je dois faire du rallye. L'agent. Et je mettrai de l'or sur mon pénis. L'agent. Et je changerai de femme comme de chemise.